riz sur le vif. Écoutez. Alors, quel train allons-nous prendre pour être à Tours à midi? Je viens de regarder les horaires. Il y a deux trains le matin. Celui de 5h39 qui arrive à Tours à 8h47. Tu n'y penses pas? C'est trop tôt. Il n'y a rien plus tard? Si, on peut prendre celui de 8h16 qui arrive à 11h03. Je préfère. Tu as bien regardé s'il circule tous les jours? Oui, tous les jours, sauf dimanche et fête. Répétez. Alors, quel train allons-nous prendre pour être à Tours à midi? Je viens de regarder les horaires. Il y a deux trains le matin. Celui de 5h39 qui arrive à Tours à 8h47. Tu n'y penses pas? C'est trop tôt. Il n'y a rien plus tard? Si, on peut prendre celui de 8h16 qui arrive à 11h03. Je préfère. Tu as bien regardé s'il circule tous les jours? Oui, tous les jours, sauf dimanche et fête. Écoutez. Monsieur, à quelle heure y a-t-il un train direct pour Alençon dans la soirée? Départ de Caen, 20h07. Arrivée à Alençon, 21h39. Il circule le dimanche? Ah non! Le dimanche, vous avez celui de 18h11 qui est à Alençon à 19h31 avec changement à Mésidon. Si je ne veux pas changer, quelle heure dois-je attendre? 21h58, arrivé à Alençon 23h14. Répétez. Monsieur, à quelle heure y a-t-il un train direct pour Alençon dans la soirée? Départ de Caen, 20h07. Arrivé à Alençon, 21h39. Il circule le dimanche? Ah non! Le dimanche, vous avez celui de 18h11 qui est à Alençon à 19h31 avec changement à Mésidon. Si je ne veux pas changer, quelle heure dois-je attendre? 21h58, arrivé à Alençon 23h14. Écoutez. Écoute, ma chérie, décide-toi. J'hésite. Cette écharpe beige va bien avec ma jupe à fleurs et avec mon pantalon marron. Mais celle-là me plaît davantage. Prends celle-là, le rouge te va bien. Oui, mais si je prends la rouge, je peux la mettre seulement avec mon pantalon blanc. Achète-toi celle-ci, et si tu veux, pour ton anniversaire la semaine prochaine, je t'offre la beige. Répétez. Écoute, ma chérie, décide-toi. J'hésite. Cette écharpe beige va bien avec ma jupe à fleurs et avec mon pantalon marron. Mais celle-là me plaît davantage. Prends celle-là, le rouge te va bien. Oui, mais si je prends la rouge, je peux la mettre seulement avec mon pantalon blanc. Achète-toi celle-ci, et si tu veux, pour ton anniversaire la semaine prochaine, je t'offre la beige.